Depuis matin relevé, tombé fait jalousie. Et puis ou tombé babillé, tant couvier sauce ici. Ou levé ou sorti, ma con côté ou aller. C'est doué l'en voisinage, ou al ramasse tripotage. L'on retourne pita, djolou tout long comme ça. Bagé moun ki balé, et puis ou tombé relé. Chaudier pas j'en monté, la vie fouillé di feu. Grand cours à bétuyé, m'sorti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité. Ou maman c'est que tu moun, ou candidat pour 6e. Par contre, quand ça pralé, plus qu'on pas blérété. Ça sent miséricorde, moi vini fourré comme. Au gayon vieux pratique, sans machin à cassant. Acheter crédit tout le temps, et puis ou pas les payer. Pour lui mander ou l'argent, pour voyer les côtés. Tant qu'on va jamba ou, sans façon pour émerder moi. Faut que moi mette écran, qu'on groupe à salmanar. Et puis va que moi ta brave, plus va passer guetté. Bon, t'es capable qu'un bé, à qui une femme décloquée, qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Au bon, mon vieux beau frère, qui pas j'enflé travail, toute la journée chita, tant qu'on l'a veillé caille, manger pas chamassé, beau frère manger en pile. Ma chaîne a quitté ça, me senti baga baba encore. Senti baga baba encore. Me senti pas foutre, baga baba encore. Allez.